Article 170 de l'irrésolution. L'irrésolution est aussi une espèce de crainte, qui retenant l'homme comme en balance entre plusieurs actions qu'elle peut faire, et cause qu'elle n'en exécute aucune, et ainsi qu'elle a du temps pour choisir avant que de se déterminer. En quoi véritablement elle a quelque usage qui est bon, mais lorsqu'elle dure plus qu'il ne faut, et qu'elle fait employer à délibérer le temps qui est requis pour agir, elle est fort mauvaise. Or je dis qu'elle est une espèce de crainte, nonobstant qu'il puisse arriver, lorsqu'on a le choix de plusieurs choses, dont la bonté paraît fort égale, qu'on demeure incertain et irrésolu, sans qu'on ait pour cela aucune crainte. Car cette sorte d'irrésolution vient seulement du sujet qui se présente, et non point d'aucune émotion des esprits. C'est pourquoi elle n'est pas une passion, si ce n'est que la crainte qu'on a de manquer en son choix en augmente l'incertitude. Mais cette crainte est si ordinaire et si forte en quelques-uns, que souvent encore qu'il n'ait point à choisir et qu'il ne voit qu'une seule chose à prendre ou à laisser, elle les retient et fait qu'il s'arrête inutilement à en chercher d'autres. Et alors c'est un excès d'irrésolution qui vient d'un trop grand désir de bien faire et d'une faiblesse de l'entendement, lequel, n'ayant point de notions claires et distinctes, en a seulement beaucoup de confuses. C'est pourquoi le remède contre cet excès est de s'accoutumer à former des jugements certains et déterminés, touchant toutes les choses qui se présentent, et à croire qu'on s'acquitte toujours de son devoir lorsqu'on fait ce qu'on juge être le meilleur, ou encore que peut-être on juge très mal. Article 171 du courage et de la hardiesse. Le courage, lorsque c'est une passion et non point une habitude, ou inclination naturelle, est une certaine chaleur ou agitation qui dispose l'homme à se porter puissamment à l'exécution des choses qu'elle veut faire, de quelque nature qu'elle soit. Et la hardiesse est une espèce de courage qui dispose l'homme à l'exécution des choses qui sont les plus dangereuses. Article 172 de l'émulation. Et l'émulation en est aussi une espèce, mais en un autre sens, car on peut considérer le courage comme un genre qui se divise en autant d'espèces qu'il y a d'objets différents, et en autant d'autres qu'il y a de causes. En la première façon, la hardiesse en est une espèce, en l'autre l'émulation. Et cette dernière n'est autre chose qu'une chaleur qui dispose l'homme à entreprendre des choses qu'elle espère lui pouvoir réussir, parce qu'elle les voit réussir à d'autres. Et ainsi c'est une espèce de courage duquel la cause externe est l'exemple. Je dis la cause externe, parce qu'il doit, outre cela, y en avoir toujours une interne, qui consiste en ce qu'on a le corps tellement disposé que le désir et l'espérance ont plus de force à faire aller quantité de sang vers le cœur que la crainte ou le désespoir à l'empêcher. Article 173. Comment la hardiesse dépend de l'espérance. Car il est à remarquer que bien que l'objet de la hardiesse soit la difficulté, de laquelle suit ordinairement la crainte ou même le désespoir, en sorte que c'est dans les affaires les plus dangereuses et les plus désespérées qu'on emploie le plus de hardiesse et de courage, il est besoin néanmoins qu'on espère, ou même qu'on soit assuré, que la fin qu'on se propose réussira, pour s'opposer avec vigueur aux difficultés qu'on rencontre. Mais cette fin est différente de cet objet, car on ne saurait être assuré et désespéré d'une même chose en même temps. Ainsi, quand les décis se jetaient au travers des ennemis et couraient à une mort certaine, l'objet de leur hardiesse était la difficulté de conserver leur vie pendant cette action, pour laquelle difficulté ils n'avaient que du désespoir, car ils étaient certains de mourir. Mais leur fin était d'animer leurs soldats par leur exemple, et de leur faire gagner la victoire, pour laquelle ils avaient de l'espérance. Ou bien aussi leur fin était d'avoir de la gloire après leur mort, de laquelle ils étaient assurés. Article 174 de la lâcheté et de la peur. La lâcheté est directement opposée au courage, et c'est une langueur ou froideur qui empêche l'homme de se porter à l'exécution des choses qu'elle ferait si elle était exempte de cette passion. Et la peur ou l'épouvante, qui est contraire à la hardiesse, n'est pas seulement une froideur, mais aussi un trouble et un étonnement de l'homme, qui lui ôte le pouvoir de résister aux maux qu'elle pense être proches. Article 175 de l'usage de la lâcheté. Or encore que je ne puisse me persuader que la nature ait donné aux hommes quelque passion qui soit toujours vicieuse, et n'ait aucun usage bon et louable, j'ai toutefois bien de la peine à deviner à quoi ces deux peuvent servir. Il me semble seulement que la lâcheté a quelque usage lorsqu'elle fait qu'on est exempt des peines, qu'on pourrait être incité à prendre par des raisons vraisemblables, si d'autres raisons plus certaines, qui les ont fait juger inutiles, n'avaient excité cette passion. Car, outre qu'elle exempte l'âme de ses peines, elle sert aussi alors pour le corps, en ce que, retardant le mouvement des esprits, elle empêche qu'on ne dissipe ses forces. Mais ordinairement, elle est très nuisible, à cause qu'elle détourne la volonté des actions utiles. Et parce qu'elle ne vient que de ce qu'on n'a pas assez d'espérance ou de désir, il ne faut qu'augmenter en soi ces deux passions pour la corriger. Article 176 de l'usage de la peur. Pour ce qui est de la peur ou de l'épouvante, je ne vois point qu'elle puisse jamais être louable ni utile. Aussi n'est-ce pas une passion particulière, c'est seulement un excès de lâcheté, d'étonnement et de crainte, lequel est toujours vicieux, ainsi que la hardiesse est un excès de courage qui est toujours bon, pourvu que la fin qu'on se propose soit bonne. Et parce que la principale cause de la peur est la surprise, il n'y a rien de meilleur pour s'en exempter que d'user de préméditation et de se préparer à tous les événements, la crainte desquels la peut causer. Article 177 du remords. Le remords de conscience est une espèce de tristesse qui vient du doute qu'on n'a qu'une chose qu'on fait ou qu'on a faite n'est pas bonne. Et il présuppose nécessairement le doute. Car si on était entièrement assuré que ce qu'on fait fut mauvais, on s'abstiendrait de le faire, d'autant que la volonté ne se porte qu'aux choses qui ont quelque apparence de bonté. Et si on était assuré que ce qu'on a déjà fait fut mauvais, on en aurait du repentir, non pas seulement du remords. Or, l'usage de cette passion est de faire qu'on examine si la chose dont on doute est bonne ou non, et d'empêcher qu'on ne la fasse une autre fois pendant qu'on n'est pas assuré qu'elle soit bonne. Mais parce qu'elle présuppose le mal, le meilleur serait qu'on n'eût jamais sujet de la sentir, et on peut la prévenir par les mêmes moyens par lesquels on se peut exempter de l'irrésolution. Article 178 de la moquerie. La dérision ou moquerie est une espèce de joie mêlée de haine, qui vient de ce qu'on aperçoit quelque petit mal en une personne qu'on pense en être digne. On a de la haine pour ce mal, on a de la joie de le voir en celui qui en est digne. Et lorsque cela survient inopinément, la surprise de l'admiration est cause qu'on s'éclate de rire, suivant ce qui a été dit ci-dessus de la nature du rire. Mais ce mal doit être petit, car s'il est grand, on ne peut croire que celui qui l'a en soit digne, si ce n'est qu'on soit de fort mauvais naturel, ou qu'on lui porte beaucoup de haine. Article 179. Pourquoi les plus imparfaits ont coutume d'être les plus moqueurs? Et on voit que ceux qui ont des défauts fort apparents, par exemple qui sont boiteux, borgnes, bossus, ou qui ont reçu quelque affront en public, sont particulièrement enclins à la moquerie, car désirant voir tous les autres aussi disgraciés qu'eux, ils sont bien aises des maux qui leur arrivent, et ils les en estiment dignes. Article 180 de l'usage de la raillerie. Pour ce qui est de la raillerie modeste, qui reprend utilement les vices en les faisant paraître ridicules, sans toutefois qu'on en rit soi-même, ni qu'on témoigne aucune haine contre les personnes, elle n'est pas une passion, mais une qualité d'honnête homme, laquelle fait paraître la gaieté de son humeur et la tranquillité de son âme, qui sont des marques de vertu, et souvent aussi l'adresse de son esprit, en ce qu'il sait donner une apparence agréable aux choses dont il se moque. Article 181 de l'usage du rire en la raillerie. Et il n'est pas déshonnête de rire lorsqu'on entend les railleries d'un autre. Même elles peuvent être telles que ce serait être chagrin de n'en rire pas. Mais lorsqu'on raille soi-même, il est plus séant de s'en abstenir, afin de ne sembler pas être surpris par les choses qu'on dit, ni admirer l'adresse qu'on les a de les inventer. Et cela fait qu'elles surprennent d'autant plus qu'elles les voient. Article 182 de l'envie. Ce qu'on nomme communément envie est un vice qui consiste en une perversité de nature qui fait que certaines gens se fâchent du bien qu'ils voient arriver aux autres hommes. Mais je me sers ici de ce mot pour signifier une passion qui n'est pas toujours vicieuse. L'envie, donc, en tant qu'elle est une passion, est une espèce de tristesse mêlée de haine qui vient de ce qu'on voit arriver du bien à ceux qu'on pense en être indignes. Ce qu'on ne peut penser avec raison que des biens de fortune. Car pour ceux de l'âme ou même du corps, en tant qu'on les a de naissance, c'est assez en être digne que de les avoir reçus de Dieu, avant qu'on fût capable de commettre aucun mal. Article 183. Comment elle peut être juste ou injuste? Mais lorsque la fortune envoie des biens à quelqu'un dont il est véritablement indigne, et que l'envie n'est excitée en nous que parce qu'aimant naturellement la justice, nous sommes fâchés qu'elle ne soit pas observée en la distribution de ces biens, c'est un zèle qui peut être excusable, principalement lorsque le bien qu'on envie à d'autres est de telle nature qu'il se peut convertir en mal entre leurs mains, comme si c'est quelque charge ou office en l'exercice duquel il se puisse mal comporter. Même lorsqu'on désire pour soi le même bien et qu'on est empêché de l'avoir, parce que d'autres qui en sont moins dignes le possèdent, cela rend cette passion plus violente, et elle ne laisse pas d'être excusable, pourvu que la haine qu'elle contient se rapporte seulement à la mauvaise distribution du bien qu'on envie, et non point aux personnes qui le possèdent ou le distribuent. Mais il y en a peu qui soient si justes et si généreux que de n'avoir point de haine pour ceux qui les préviennent en l'acquisition d'un bien qui n'est pas communicable à plusieurs, et qu'ils avaient désiré pour eux-mêmes, bien que ceux qui l'ont acquis en soient autant ou plus dignes. Et ce qui est ordinairement le plus envié, c'est la gloire, car encore que celle des autres n'empêche pas que nous n'y puissions aspirer, elle en rend toutefois l'accès plus difficile et en renchérit le prix. Article 184, d'où vient que les envieux sont sujets à avoir le teint plombé. Au reste, il n'y a aucun vice qui nuise tant à la félicité des hommes que celui de l'envie. Car outre que ceux qui en sont entachés s'affligent eux-mêmes, ils troublent aussi de tout leur pouvoir le plaisir des autres. Et ils ont ordinairement le teint plombé, c'est-à-dire pâle, mêlé de jaune et de noir, et comme de sang meurtri. D'où vient que l'envie est nommée livor en latin. Ce qui s'accorde fort bien avec ce qui a été dit ci-dessus des mouvements du sang, en la tristesse et en la haine. Car celle-ci fait que la bile jaune, qui vient de la partie inférieure du foie, et la noire qui vient de la rate, se répandent du cœur par les artères en toutes les veines, et celle-là fait que le sang des veines a moins de chaleur et coule plus lentement qu'à l'ordinaire, ce qui suffit pour rendre la couleur livide. Mais parce que la bile, tant jaune que noire, peut être aussi envoyée dans les veines par plusieurs autres causes, et que l'envie ne les y pousse pas en assez grande quantité pour changer la couleur du teint, si ce n'est qu'elle soit fort grande et de longue durée, on ne doit pas penser que tous ceux en qui on voit cette couleur y soient enclins. Article 185 de la pitié. La pitié est une espèce de tristesse mêlée d'amour ou de bonne volonté envers ceux à qui nous voyons souffrir quelque mal, duquel nous les estimons indignes. Ainsi, elle est contraire à l'envie à raison de son objet, et à la moquerie à cause qu'elle le considère d'autre façon. Article 186. Qui sont les plus pitoyables? Ceux qui se sentent fort faibles et fort sujets aux adversités de la fortune semblent être plus enclins à cette passion que les autres, à cause qu'ils se représentent le mal d'autrui comme leur pouvant arriver, et ainsi ils sont émus à la pitié plutôt par l'amour qu'ils se portent à eux-mêmes que par celle qu'ils ont pour les autres. Article 187. Comment les plus généreux sont touchés de cette passion? Mais néanmoins, ceux qui sont les plus généreux et qui ont l'esprit le plus fort, en sorte qu'ils ne craignent aucun mal pour eux et se tiennent au-delà du pouvoir de la fortune, ne sont pas exemptes de compassion lorsqu'ils voient l'infirmité des autres hommes et qu'ils entendent leurs plaintes. Car c'est une partie de la générosité que d'avoir de la bonne volonté pour un chacun. Mais la tristesse de cette pitié n'est pas amère, et comme celle que causent les actions funestes qu'on voit représentées sur un théâtre, elle est plus dans l'extérieur et dans le sens que dans l'intérieur de l'âme, laquelle a cependant la satisfaction de penser qu'elle fait ce qui est de son devoir, en ce qu'elle compatit avec des affligés. Et il y a en cela de la différence, qu'au lieu que le vulgaire a compassion de ceux qui se plaignent, à cause qu'il pense que les maux qu'ils souffrent sont fort fâcheux, le principal objet de la pitié des plus grands hommes est la faiblesse de ceux qu'ils voient se plaindre, à cause qu'ils n'estiment point qu'aucun accident qui puisse arriver soit un si grand mal, qu'elle a lâcheté de ceux qui ne le peuvent souffrir avec constance. Et bien qu'ils haïssent les vices, ils ne haïssent point pour cela ceux qu'ils y voient sujets. Ils ont seulement pour eux de la pitié. Article 188. Qui sont ceux qui n'en sont point touchés? Mais il y a que les esprits malins et envieux, qui haïssent naturellement tous les hommes, ou bien ceux qui sont si brutaux, et tellement aveuglés par la bonne fortune, ou désespérés par la mauvaise, qu'ils ne pensent point qu'aucun mal leur puisse plus arriver, qui soient insensibles à la pitié. Article 189. Pourquoi cette passion excite à pleurer? Au reste, on pleure fort aisément cette passion, à cause que l'amour, envoyant beaucoup de sang vers le cœur, fait qu'il sort beaucoup de vapeurs par les yeux, et que la froideur de la tristesse retardant l'agitation de ces vapeurs fait qu'elles se changent en larmes, suivant ce qui a été dit ci-dessus. Article 190 de la satisfaction de soi-même. La satisfaction, qu'ont toujours ceux qui suivent constamment la vertu, est une habitude dans leur âme, qui se nomme tranquillité et repos de conscience. Mais celle qu'on acquiert de nouveau lorsqu'on a fraîchement fait quelque action, qu'on pense bonne, est une passion, à savoir une espèce de joie, laquelle je crois être la plus douce de toutes, parce que sa cause ne dépend que de nous-mêmes. Toutefois, lorsque cette cause n'est pas juste, c'est-à-dire lorsque les actions dont on tire beaucoup de satisfaction ne sont pas de grande importance, ou même qu'elles sont vicieuses, elle est ridicule, et ne sert qu'à produire un orgueil et une arrogance impertinente, ce qu'on peut particulièrement remarquer en ceux qui, croyant être dévots, sont seulement bigots et superstitieux, c'est-à-dire qui, sous ombre qu'ils vont souvent à l'église, qu'ils récitent force prières, qu'ils portent les cheveux courts, qu'ils jeûnent, qu'ils donnent l'aumône, pensent être entièrement parfaits, et s'imaginent qu'ils sont si grands amis de Dieu qu'ils ne sauraient rien faire qui lui déplaise, et que tout ce que leur dicte leur passion est un bon zèle, bien qu'elle leur dicte quelquefois les plus grands crimes qui puissent être commis par des hommes, comme de trahir des villes, de tuer des princes, d'exterminer des peuples entiers, pour ceux-là seuls qui ne suivent pas leurs opinions. Article 191 du repentir. Le repentir est directement contraire à la satisfaction de soi-même, et c'est une espèce de tristesse qui vient de ce qu'on croit avoir fait quelques mauvaises actions. Et elle est très amère, parce que sa cause ne vient que de nous, ce qui n'empêche pas néanmoins qu'elle ne soit fort utile, lorsqu'il est vrai que l'action dont nous nous repentons est mauvaise, et que nous en avons une connaissance certaine, parce qu'elle nous incite à mieux faire une autre fois. Mais il arrive souvent que les esprits faibles se repentent des choses qu'ils ont faites sans savoir assurément qu'elles soient mauvaises. Ils se le perçoivent seulement à cause qu'ils le craignent, et s'ils avaient fait le contraire, ils s'en repentiraient en même façon, ce qui est en eux une imperfection digne de pitié. Et les remèdes contre ce défaut sont les mêmes qui servent à ôter l'irrésolution. Article 192 de la faveur. La faveur est proprement un désir de voir arriver du bien à quelqu'un pour qui on a de la bonne volonté. Mais je me sers ici de ce mot pour signifier cette volonté en tant qu'elle est excitée en nous par quelque bonne action de celui pour qui nous l'avons. Car nous sommes naturellement portés à aimer ceux qui font des choses que nous estimons bonnes, encore qu'il ne nous en revienne aucun bien. La faveur, en cette signification, est une espèce d'amour, non point de désir, encore que le désir de voir du bien à celui qu'on favorise l'accompagne toujours, et elle est ordinairement jointe à la pitié, à cause que les disgrâces que nous voyons arriver aux malheureux sont cause que nous faisons plus de réflexions sur leur mérite. Article 193 de la reconnaissance. La reconnaissance est aussi une espèce d'amour excité en nous par quelque action de celui pour qui nous l'avons, et par laquelle nous croyons qu'il nous a fait quelque bien, ou du moins qu'il en a eu l'intention. Ainsi, elle contient tout le même que la faveur, et cela de plus qu'elle est fondée sur une action qui nous touche, et dont nous avons désir de nous revancher. C'est pourquoi elle a beaucoup plus de force, principalement dans les âmes, tant soit peu nobles et généreuses. Article 194 de l'ingratitude. Pour l'ingratitude, elle n'est pas une passion, car la nature n'a mis en nous aucun mouvement des esprits qui l'excite, mais elle est seulement un vice directement opposé à la reconnaissance en tant que celle-ci est toujours vertueuse et l'un des principaux liens de la société humaine. C'est pourquoi ce vice n'appartient qu'aux hommes brutaux et sottement arrogants, qui pensent que toutes choses leur sont dues, ou aux stupides qui ne font aucune réflexion sur les bienfaits qu'ils reçoivent, ou aux faibles et abjects qui, sentant leur infirmité et leurs besoins, recherchent bassement le secours des autres, et après qu'ils l'ont reçu, ils les haïssent, parce que n'ayant pas la volonté de leur rendre l'appareil, ou désespérant de le pouvoir, et s'imaginant que tout le monde est mercenaire comme eux, et qu'on ne fait aucun bien qu'avec espérance d'en être récompensé, ils pensent les avoir trompés.